Mission Rue d'Auteuil. Cette émission vous est présentée par Audiolite, le spécialiste en son et images de haute fidélité. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Visitez notre page Facebook, audiolite.qc.ca. Quiz aux bénévoles de l'Opération Nez Rouge. Décrivez ce que vous entendez. Allô, Nez Rouge? Comptable. Blond. 5 pieds 9. Familial rouge. 4 cylindres, 2006. Il y a un sac de chips entre les deux bancs. Le Club Tech 62 des chaînes à Saint-Rigaudon. À l'Opération Nez Rouge, on est toujours à vos côtés pour bien rentrer. Dans le temps des fêtes, appelez un ami, un taxi ou l'Opération Nez Rouge au 1-866-DESJARDINS. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, Desjardins et de cette station. Ce soir, à l'aérospatiale, le père Marie-Alain Couturier, mis en lumière par Monique Brunet-Weinman, un entretien avec l'artiste Marie-Andrée Godin et nos coups de cœur en art visuel de 2016. Alors, bonsoir, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue à cette dernière édition de 2016 de l'Aérospatiale, votre magazine radio en art visuel à Québec. Audrey Caro et Sarah Bélanger-Martel en votre compagnie ce soir. Bonsoir, Sarah. Bonsoir. Mais on n'est pas seul. Ben oui, c'est ça. On a, à vrai dire, une revenante qui refait surface. Directement arrivée du Bas-Saint-Laurent en fin de semaine. Exactement. Peut-être connaissez-vous la voix de Jean-Tiane Lafrance, bien sûr, cette autre co-animatrice de l'émission qui sera de retour en janvier. Lors de notre retour là, après les fêtes. Bien contente d'être avec vous en studio, les filles. Oui. Bonsoir à tous. Et puis ce séjour à Matane s'est bien passé. Oui, très bien. Oui. L'air du fleuve, beaucoup de neige et plein de belles jeunesse de cégep bien enrichissant. Excellent. Oh, mais il y a aussi, autour de la table, là, vous ne nous voyez pas, chers auditeurs, auditrices, mais on est trois et il y a aussi un paquet de biscuits pour nous mettre dans le temps des fêtes. On a aussi des lumières, toutes sortes de choses. Alors, c'est vraiment festif, ça. Oui, exactement. Mais ça va l'être particulièrement aussi en deuxième partie d'émission. Tout à l'heure, on va avoir plusieurs chroniqueurs, plusieurs voix que vous entendez ici à cette émission. Tout en mangeant un petit biscuit, on va vous parler là, de nos coups de cœur en deuxième moitié d'émission, là, de nos coups de cœur en art visuel de cette année, mais aussi vous faire quelques idées de suggestions cadeaux ou d'activités à faire durant le temps des fêtes. Donc, restez avec nous, là, ça va être à compter de 18h. Mais il faut dire qu'en première partie, Sarah, on reçoit, à vrai dire, deux personnes au téléphone. Oui. Mais à vrai dire, en premier lieu, moi, je vais m'entretenir dans quelques minutes avec Monique Brunet-Weinman au sujet d'un ouvrage qu'elle vient tout juste de publier aux éditions Septentrion. C'est à propos d'un personnage dont on a très peu entendu parler. Peut-être que vous avez vu son visage au Musée national des beaux-arts du Québec. Il y a un portrait dans une des salles, la salle 7, de ce personnage-là, mais c'est le père Marie-Alain Couturier, qui est un dominicain qui a joué un rôle vraiment important dans l'avènement, mais aussi la défense de la modernité artistique au Québec, donc dans les années 40, là, avec les Bordua, Pellan, Lyman et compagnie. Donc, on va parler de ça, de cet ouvrage-là qu'elle vient tout juste de publier dans quelques minutes seulement. Mais sinon, Sarah, je pense aussi, toi, tu vas t'entretenir avec une artiste. Oui, au bout du fil, on va avoir avec nous l'artiste Marie-Andrée Godin qui va se joindre à nous par téléphone. Marie-Andrée, on profite de ce prétexte un peu. Elle vient de gagner le prix René Richard pour le deuxième cycle qui est remis à une finissante à la maîtrise en arts visuels à l'Université Laval. Et on va parler un petit peu de sa pratique, mais aussi des choses qui l'intéressent. Toute l'idée, notamment, de sorcière féministe. Alors, on va explorer toutes ces avenues-là avec elle au téléphone en première partie d'émission. Excellent. Et puis, je pense aussi tu vas nous présenter la sélection audio de Simon Roy. Certainement. Simon Roy nous a concocté encore cette semaine une belle sélection audio. Cette fois-ci, il nous amène plutôt dans du post-rock ambiant glitch avec l'artiste Xury et c'est dans l'album Love Graffy. Alors, on va tout de suite en écouter un premier extrait. Le titre, c'est Monobst. J'ai le plaisir d'avoir au bout du fil Madame Monique Brunet-Weinmann au sujet de cet ouvrage intitulé « Le souffle et la flamme, Marie-Alain Couturier au Canada et ses lettres à Louise Gadebois ». Bonsoir, Madame. Bonsoir à vous. Vous allez bien? Ah oui, ma foi, très bien, dans les neiges. Oui. Alors, écoutez, on était très enthousiasmés de parler de cet ouvrage que j'imagine qui vous a pris quand même un certain temps à rédiger ici parce des que années, j'ai eu... Des années, hein, c'est ouais. Ça exactement. Donc, plusieurs années de travail ici que je vous dirais, j'ai trouvé très exhaustif, mais qui met en lumière un personnage méconnu pour nous ici au Québec. Enfin, moi, j'en avais déjà entendu parler, le père Marie-Alain Couturier, qui est ce Dominicain, à vrai dire, qui est venu ici dans les années 40 et qui a, en quelque sorte, influencé plusieurs grands noms de notre histoire de l'art ici au Québec. Est-ce que vous pourriez nous le présenter rapidement? Bien, écoutez, il était venu non pas en exil directement, parce qu'il ne savait pas qu'il resterait 4-5 ans ici, mais on l'avait envoyé à New York, sa compagnie, les Dominicains l'avaient envoyé à New York pour prêcher le carême à l'église, voyez, catholique de New York. Donc, il était parti la fin de l'année 39, et il est arrivé en 40 ici pour justement faire des conférences d'abord au musée à l'école des Beaux-Arts et ensuite il a changé un peu d'orientation parce que il était plus proche bien sûr de l'esprit moderne de l'école du meuble. Exact. Alors alors forcément la guerre s'étant déclarée les Dominicains lui ont conseillé de rester en Amérique avec beaucoup d'autres d'ailleurs grands exilés, n'est-ce pas, qui se retrouvaient là-bas, en particulier à New York, parce qu'il n'y avait plus rien à faire en France finalement, dit-il, particulièrement parce qu'il était de santé fragile, vous voyez, il avait beaucoup de d'asthme et il avait eu beaucoup de difficultés de santé dans sa jeunesse. Donc, il est certain que les difficultés de la guerre auraient pu lui être fatales. Mm-hmm. Alors, il est resté, il a été obligé de reculer son départ. Il croyait, lui, qu'il allait rentrer en mai 40, vous voyez, après oui. Son séjour de prêche pour Pâques et puis ses cours là où il en avait donné, mais finalement on a prolongé son séjour, donc c'est devenu un véritable exil, quoi, finalement. Donc il était un exilé parmi d'autres, mais à cheval, si vous voulez, sur la frontière, parce que il venait à Montréal aussi souvent que nous, comme disait Louise Gadebois, aussi souvent que nous on aurait pu aller à Saint-Hubert ou à Vaudreuil. Oui, exact. C'est incroyable parce qu'il prenait le train de nuit tout le temps. Et puis, il revenait à Montréal pour 3 jours, et puis il repartait par le train de nuit, c'est le train qui partait à 10 heures du soir, mm-hmm. qui ratait quelquefois d'ailleurs. Et puis, il s'en allait après à New York, à Baltimore, enfin. Il avait un emploi du temps absolument invraisemblable, invraisemblable. Oui. Et puis, dans le fond, pour parler de son parcours ici, justement, les 5 années notamment et plus encore, là, vous avez eu accès à des documents vraiment très précieux de première main. Étant une spécialiste de Louise Gadebois et ayant contact, voilà. Vous avez mis la main sur ses archives. Ben, c'est-à-dire que j'ai pas mis la main, j'ai attendu longtemps. Parce oui. que ça a pris quand même un certain temps avant qu'on me confie, vous voyez, ben, c'est normal. Hein? Mm-hmm. C'est ce qu'elle avait de plus précieux. Louise Gadebois était tellement attachée à son souvenir du père Couturier. Ses lettres, sa correspondance, enfin, disons, les lettres de Couturier, c'était vraiment quelque chose d'archiprécieux qu'elle avait hésité, d'ailleurs, à donner à personne. Vous voyez, elle les avait gardées, on lui avait demandé plusieurs fois, parce que c'est une source de renseignement formidable, et puis, à tout point de vue, sur la vie personnelle de Couturier, sur l'après-guerre en France, sur sa pensée, sa personnalité aussi, surtout, sa personnalité extrêmement attachante. Alors, c'était une espèce de, un petit peu, oui, effectivement, de les avoir, ça a été extraordinaire, grâce à Louise, puis ensuite grâce à sa fille Denise, mm-hmm. et puis aussi son journal, parce que j'ai eu accès grâce à Denise, qui le relisait naturellement avant, mais il y a absolument rien de compromettant, il n'y a rien de, vous savez, de qui puisse vraiment porter à préjudice dans le journal de Louise. Alors j'ai eu droit à sa première lecture et j'ai sélectionné les passages qui se rapportaient pour ce livre-là à Couturier et à la guerre, parce que les deux sont liés, n'est-ce pas? Bien Couturier sûr. Ne serait pas ici sans la guerre, et sans la guerre, il n'y aurait pas eu cette espèce de renouvellement de tout, finalement, qu'il y a eu durant ces années-là, malgré la difficulté et la noirceur prétendue, n'est-ce pas? Oui. Ben, il faut quand même l'expliquer aussi aux auditeurs qui ne connaîtraient pas le personnage. Il faut se remettre en contexte parce que il arrive ici, lui, avec quand même toutes des idées très modernistes, s'il faut dire. Ah, ben, écoutez, oui, absolument. Son discours, Ben, il connaît très bien l'art moderne. Il connaît l'art moderne de l'époque, enfin, disons, déjà des années 30, vous voyez, 30-40. Alors forcément, ces conférences sont une source, une mine de renseignements sur l'art moderne, et les étudiants qui le suivent, et les artistes, dont naturellement tous ceux qui vont devenir les automatistes, vous voyez. Exact. Bordeaux en premier, parce qu'en fait, Bordeaux, il l'avait déjà rencontré en France dans les années 20, parce que Bordeaux était allé faire des études aussi d'art sacré, vous voyez. Mm-hmm. Or, Couturier avait commencé aussi sa vie avec l'intention d'être un artiste, d'être un peintre et un maître verrier. Donc c'est en tant que qu'artiste qu'il a rencontré Bordeaux en France sur les chantiers d'église après la première guerre. Vous voyez, c'était déjà la conséquence de la première guerre. Donc la première personne et peut-être la seule qu'il connaissait à Montréal en débarquant, c'était Bordeaux qui va l'accueillir tout de suite. Alors il rentre naturellement dans ce milieu de jeunes, plus ou moins jeunes, mais de jeunes quand même artistes. qui sont en train de vouloir, voyez, faire éclater l'académisme et l'enseignement de l'école des beaux-arts. Et naturellement, c'est un contresens que Couturier soit à faire des cours aux beaux-arts. Donc, c'est un échec absolu, ces cours aux beaux-arts. Mm-hmm. Mais par contre, on le récupère du côté de l'école du meuble, et c'est là que, alors, à ce moment-là, tout devient possible avec Bordois, les futurs sagittaires, tous les jeunes qui sont enthousiasmés par ces conférences. Des conférences qui d'ailleurs sont extrêmement dérangeantes pour le milieu, y compris pour le clergé, vous voyez, parce qu'il les attaque, il attaque le mauvais goût avec une force épouvantable, et toutes les statues qui sont complètement dépassées dans le sens moderne. Oui, et c'est un détracteur aussi de l'art paysan, hein, qui était un peu prôné dans ces écoles, justement, à l'époque. Non, ça dépend ce qu'on entend, parce que il préférait, vous voyez, il a fait campagne dans ce sens-là. Mm-hmm. Il était préférable d'avoir un artisanat fait par les gens simples, vous voyez, l'art naïf, l'art primitif, avec les moyens du bord, avec des courtes pointes, avec du bois, avec l'art donc qu'on pouvait faire justement dans les campagnes, et d'une façon tout ce qu'il y a de plus pas rudimentaire, mais en tous les cas avec des moyens simples, vous voyez. Il préférait ça de beaucoup à l'art de carton plâtre et de tout ce qu'on pouvait vendre pour les églises, n'est-ce pas, mm-hmm, les saintes avec les yeux au plafond, et puis toute cette espèce de sentimentalisme de mauvais aloi qu'il aimait pas du tout. Alors il a au contraire travaillé avec les professeurs de l'école du meuble pour faire justement aussi une exposition d'art sacré, mais d'artisanat, vous voyez, mm-hmm, à l'époque, en 1940. Oui. Alors, 41, parce que c'était dans l'année 40-41. Ce qu'il faut bien noter, parce que c'est très important pour, justement, la suite de l'histoire, c'est que son action commence en 1940, parce qu'on a trop tendance à penser que c'est en 41 que tout commence, vous voyez. Oui. Mais en 41, ces idées se sont déjà répandues parmi les jeunes et dans l'esprit de Bordois, et les conférences que Bordois va écrire plus tard sont marqués au coin par l'influence de Couturier, y compris dans son style, dans son rythme, dans sa façon d'écrire. Alors, c'est ça que je décortique un peu, voyez-vous. Oui, exact. Et puis, il faut quand même souligner aux auditeurs aussi qu'il a aidé à organiser l'exposition des Indépendants aussi, qui a été marquante. Absolument, les Indépendants, c'est son œuvre. Oui. Vous voyez, on n'a pas assez dit que c'est son œuvre. C'est pas, non, il n'est pas, c'est pas en question de savoir si c'est lui, comme je l'ai lu dans certains textes universitaires. Non, c'est pas en question. C'est lui qui a fait les Indépendants. C'est lui qui a écrit le catalogue, etc. Vous voyez? Alors ça, c'est... Et puis de même, dans la suite, d'ailleurs, il a organisé, il a poussé, il a fait en sorte que Louise Gadbois obtienne son premier solo en tant qu'artiste. Et Dieu sait si c'était un rassemblement d'œuvres magnifiques qui l'ont mise ensuite sur la carte, malheureusement, pas assez longtemps, parce qu'elle est aussi, elle, un petit peu oubliée, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr. Et puis, dans le fond, dans votre ouvrage, vous avez fait, au cours de vos recherches, des découvertes. Donc, oui, cette contribution au renouveau de l'art sacré, mais aussi au développement de l'art abstrait au Québec. Absolument. Et également... Alors, ça, c'est intéressant, parce qu'autant Couturier a influencé, vous voyez, les artistes d'ici, pour les faire avancer, pour les faire aller au-delà de ce qu'on connaissait un peu, enfin, je dirais pas seulement, mais presque seulement, jusqu'à Cézanne, etc. Bon, il les a fait aller à Matisse, à Max Ernst, à Picasso, là, c'était le grand débat, Picasso, parce qu'on croyait que Picasso était abstrait à l'époque, la terminologie de l'époque, il était abstrait. Mais en fait, il y avait un moyen d'aller plus loin dans l'abstraction. Et là, c'est l'inverse qui s'est produit, c'est quand même la réflexion dans le sein du groupe Automatiste qui a fait en sorte que Couturier est passé de l'art abstrait tel qu'on l'entendait, cubiste, etc., vous voyez, oui, à l'art abstrait comme nous, nous l'entendons, c'est-à-dire sans figuration aucune. Et alors, c'est très intéressant parce que en 1900, il écrit un volume là, pendant qu'il est ici, et quelques années plus tard, en 45 avant de partir, il y a une réédition, et là, il ajoute « Note sur l'abstraction », qui est une espèce de tournant à 360 degrés de ce qu'il pensait en arrivant. Parce qu'il considère que, justement, l'art abstrait est plus apte, finalement, à exprimer l'art sacré, alors que lorsqu'il est arrivé, naturellement, au Québec, il pensait que c'était pas encore rentré dans son esprit. Et si la comparaison avec la musique, vous voyez, qui a été le grand débat d'une de ses conférences à Montréal, avec un personnage français aussi qui était en exil, qui s'appelle Laugier, et son grand débat sur la musique a fait en sorte que, justement, il a franchi le pas, il a reconnu que l'art abstrait non figuratif est plus apte finalement à exprimer le sacré que l'art qui reste encore enraciné dans la figure et dans le monde terrestre. Oui, exact. Et je vous dirais aussi ce que j'ai trouvé intéressant, et malheureusement il va falloir aussi se quitter là, mais peut-être souligner au passage que au travers de ses écrits aussi, vous évoquez dans votre ouvrage aussi qu'il a rédigé donc plusieurs ouvrages, oui, aux éditions de l'Arbre. Absolument, éditions de l'Arbre qui prenaient la relève des éditions en France, puisque rien n'était plus possible, il n'y avait plus de papier, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus autorisation non plus pour publier, vous voyez. Alors, oui, les éditions de l'Arbre ont joué un rôle extrêmement important, et tous les écrits de couturiers connus, finalement, au départ, ont été publiés à Montréal. C'est une chose qui n'a pas été soulignée assez non plus en France, d'ailleurs, lorsqu'on a publié quelques livres sur couturiers. Je souligne aussi que dans mon livre, il y a peut-être pour la première fois un rassemblement aussi important de peintures de couturiers, vous voyez, parce que c'est ça, bon, oui, elles sont pas connues, ces œuvres. On découvre l'artiste, et puis récemment aussi deux de ses peintures ont été restaurées par le Musée national des beaux-arts du Québec, hein, donc ouais, ça aussi c'est des éléments précieux, oui, c'est les plus importantes. La Pentecôte en particulier, c'est une des plus importantes, et j'ai d'ailleurs eu le bonheur de contribuer au fait qu'elles sont rentrées dans la collection permanente du musée. Oui. Exact. Eh bien, écoutez, on doit se quitter là-dessus. Je vous remercie beaucoup d'avoir parlé sommairement, j'en doute, parce que c'est effectivement, comme je disais, très, très exhaustif. J'ai eu bien du plaisir à vous lire. Je vous remercie. Et également, je trouve que ça met vraiment en lumière ce personnage dont on ne connaît que très peu de choses sur lui. On connaît son nom, vous voyez, mais on n'avait pas mis en ligne chronologiquement, comme je l'ai fait, tout ce qu'il a fait avec des témoignages, avec des choses indubitables, puisque c'est des choses qui restent, qui sont concrètes, en fait. Alors, son apport devient vraiment beaucoup plus envisageable comme ça, dans l'ordre chronologique. Oui, c'est ça. Bien, je rappelle le titre de cet ouvrage, Le souffle et la flamme, Marie-Alain Couturier au Canada et ses lettres à Louise Gadebois. Ça fait un très beau cadeau de Noël pour tous ceux, tout amateurs d'histoire et d'histoire de l'art qui veulent découvrir là, des éléments un peu méconnus. Là. Donc, c'est aux éditions Septentium. Monique Brunet-Weiman, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Eh bien, c'est moi qui vous remercie, de même que j'ai remercié aussi les éditions du Septentrion parce qu'ils ont fait un superbe livre. Parfait. Je vous remercie. Merci, au revoir. Alors, nous, on fait une très, très courte pause audio et on revient avec Marie-André Godin de l'autre côté. Alors, toujours à l'aérospatiale, cette fois-ci, on a une autre belle invitée à l'autre bout du fil, Marie-Andrée Godin. Bonsoir. Salut. Alors, Marie-Andrée, elle est, c'est une artiste de Québec. On a eu le privilège de pouvoir te demander en entrevue. On a pris le prétexte, en fait, que tu as récemment obtenu le prix René Richard pour le deuxième cycle, donc pour souligner l'excellence de ta recherche-création, finissant donc au programme de maîtrise en arts visuels de l'Université Laval. Félicitations, Marie-Andrée. Merci. Oui, ça a été une grosse dernière année pour toi. Donc, tu as terminé la maîtrise. Durant cette année-là aussi, tu as eu des résidences en Finlande, récemment à Gatineau. Tu as également même publié un recueil de poèmes. C'est une grosse année pour toi, une année de synthèse un peu ou quelque chose qui ouvre vers des nouvelles portes, nouveaux horizons? Marie-Andrée? Est-ce qu'on a perdu Marie-Andrée? On l'a perdu. Bon, mais pour vous parler un petit peu du travail de Marie-Andrée quand même, si on l'a perdu, elle va peut-être nous rejoindre un petit peu plus tard. Mais Marie-Andrée travaille beaucoup en art-performance. Elle fait des installations. Oh, Marie-Andrée, est-ce que tu es de retour avec nous? On t'a perdu pendant quelques secondes. Eh oui, je suis là. Ah, t'es là! Ah ben, on te retrouve à nouveau. Alors, on n'a pas entendu ta réponse. Je ne sais pas si tu voulais me parler un peu de cette année qui vient de se dérouler. Oui, c'était comme c'est plutôt les nouveaux horizons. Je ne sais pas, là, comme si j'ai ouvert une porte. Puis là, il y a beaucoup de choses à rechercher, en fait, avec mon sujet que j'ai commencé à explorer en la maîtrise. Fait que c'est un peu ça, là. Puis d'ailleurs, pendant qu'on t'avait perdu, je présentais un peu ton travail. Je disais, bon, tu travailles en art-performance, en installation, en vidéo, mais tu travailles beaucoup avec des idées aussi, dont cette idée qui revient dans ton travail depuis quelques temps. Je l'ai présentée un peu en début d'émission, mais de l'idée de la sorcière comme figure féministe. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui. Je peux en parler. En fait, c'est vraiment pas mon idée, là, dans le sens que on sait que historiquement il y a eu des grosses chasses aux sorcières qui ont ciblé principalement les femmes pour essayer de contrôler leur corps, si on veut, puis leur accès à leur santé, puis les avortements, puis en tout cas, mm-hmm. un paquet de choses comme ça. Puis dans les années 70, après, les féministes ont comme spoté, si on veut, cette figure-là. Mm-hmm. Puis ont décidé de se la réapproprier parce que, justement, au regard de toutes ces affaires-là historiques, mais on parlait pas nécessairement de ça d'un point de vue féministe avant aussi. C'est comme des relectures de ces événements-là qui ont fait que, bon, les féministes dans les années 70 se sont dit, OK, la sorcière, c'est une bonne figure, tu sais, ça symbolise beaucoup d'affaires, on peut se réapproprier ça, tout ça. Puis il y a comme une espèce de retour de ça depuis quelques années aussi. Fait que, tu sais, je l'ai pas inventé, là. Mm-hmm. Je le vois beaucoup, moi, dans les réseaux sociaux, puis des trucs comme ça, sur Internet, beaucoup avec un espèce de féminisme aussi de quatrième vague, là, mm-hmm. si on peut, mais... Puis comment ça s'articule dans ton travail à toi? Qu'est-ce quels éléments vont revenir? Je pensais, entre autres, il y a peut-être l'idée de rituel. Ou comment, toi, ça s'intègre dans ton travail? L'idée de rituel, je trouve ça quand même compliqué. Fait que moi, j'ai plutôt abordé ça. T'sais, parce que c'est sûr que je fais de la performance. Puis, tu sais, dans ce temps-là, oui, on peut parler de ça, mais je fais aussi beaucoup d'installations. Mm-hmm. Puis moi, je suis vraiment allée plutôt... regarder, tu sais, comme pour moi, la sorcellerie, il y avait comme cet aspect-là historique, l'aspect politique de parler, mais aussi comme c'est vrai que c'est comme une, genre, c'est toute une spiritualité qui va avec ça, puis plutôt que d'y aller comme exactement avec les. Oh, on a perdu encore Marie-Andrée alors qu'elle nous présentait quelque chose de vraiment intéressant. On a un petit peu de difficulté avec nos téléphones, notre téléphone ce soir. Écoutez, on va pouvoir probablement vous glisser sur notre page Facebook et sur Allô? Notre page de site web. Oh, Marie-Andrée, t'es de retour. Oui. Ah, hey, on te perd et on te retrouve. Hey, c'est épouvantable. Mais je te continue ça, mais l'idée, en fait, qu'est-ce qui fonde cette spiritualité-là, un peu? Mm-hmm. Moi, je suis allée vraiment dans des affaires comme, tu sais, travailler plutôt un concept qui m'était cher, c'est comme la hiérarchie, mais tu sais, travailler de façon plus horizontal puis égalitaire puis des choses comme ça, ou travailler avec l'idée que tout est interconnecté puis de voir plutôt l'ensemble des choses puis c'est comme avoir une pensée plus holistique, mm-hmm. des choses comme ça. Fait que tout ça, c'est dans les idées, si tu veux, qui soutiennent la sorcellerie. Mm-hmm. Donc ça va être quelque chose qu'on peut découvrir de vraiment sur différents médiums aussi. Je pense que récemment, dans le cadre de ta résidence à Gatineau, tu as travaillé en vidéo. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen pour des auditeurs, auditrices qui voudraient découvrir ton travail, ou est-ce qu'on va pouvoir le voir prochainement? Est-ce qu'on peut le voir quelque part sur les internets? Est-ce que j'ai le site internet qui s'en vient. Donc pas tout de suite, mais oui, un peu sur mon site bientôt. Puis je pense que je sais pas trop comment ça fonctionne à Daimon, où j'étais en résidence, par rapport à l'accès aux œuvres, mais je pense qu'il y a moyen de à travers Daimon de voir l'œuvre vidéo que j'ai faite, qui, elle, justement, était vraiment plus en lien avec un rituel spécifique. Là. Mm-hmm. Alors, on mettra, pour nos auditeurs, auditrices, on mettra ces liens-là sur notre page. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps pour se parler ce soir, mais ça va être une conversation à continuer, Marie-Andrée. Merci énormément de t'être jointe à nous à l'autre bout, très lointain. Il semble avoir de la neige sur les ondes ce soir, mais merci beaucoup de t'être jointe à nous ce soir. Merci. OK, bonne soirée. Bye. Et de notre côté, on quitte pour la pause publicitaire. On revient tout de suite après avec notre équipe de chroniqueurs, chroniqueuses, et on va parler de nos coups de cœur de l'année 2016. CKRL vous souhaite de très joyeuses fêtes. Poser la question. Mais pourquoi ai-je constamment à lire toute l'information qui me passionne? Y aurait-il une meilleure méthode? Eh oui, les geeks contre-attaque peuvent les lire pour vous! 90 minutes d'actualité techno, de jeux vidéo, de cinéma, de séries télé, de chroniques étranges et insolites, et de toutes les autres niaiseries qui nous passent par la tête. Bref, c'est les samedis, c'est de 15h à 16h30, et c'est sur les ondes de CKRL 89.1. Et c'est ça, là. Pourquoi que la toune faille tout le temps avant que j'aie fini de parler? On est de retour pour la deuxième partie d'émission de l'aérospatiale. Audrey Caro et Sarah Bélanger et Martel toujours avec vous, avec Jean-Tienne Lafrance. Et on a trois nouveaux, trois collaborateurs que vous entendez ici, hein, bien sûr. Donc, toi, je voulais dire trois nouvelles personnes en studio. On a Julien Saint-Georges Tremblay, bonsoir. Allô tout le monde. On a Louane Bourdeau. Bonsoir. Et Marie-Claire Tremblay. Allô. Alors, on s'est réunis à vrai dire, en équipe aujourd'hui pour un peu parler de nos coups de cœur en art visuel, faire quelques brèves suggestions de soit de cadeaux ou de sorties. Enfin, on avait envie d'être festif avant les fêtes tout en étant autour de quelques biscuits de Noël et arborant. Qui sont délicieux d'ailleurs. Oui, bon, mais merci. Faut souligner que c'est Audrey qui les a préparés. Merci beaucoup. Et puis, il faut dire qu'on s'est dit, tiens, soyons festifs, Julien. Sa tuque de Noël tout en lumière. Et Marie-Claire a mis son beau chandail de chat de Noël, c'est ça? Chat de Noël. Chat de Noël. Des images que vous pourrez voir en direct sur notre Instagram. Si vous ne nous suivez pas encore, c'est le bon moment de vous joindre à nous. Exactement. Et puis moi, j'ai mis, bien sûr, là, mon pull de Noël illuminé. Donc, on est tout en lumière aujourd'hui. Donc, voilà, on s'amuse. Alors, commençons parce que que c'est toujours quand même assez, assez long de faire ce tour, hein, ce survol. Allons-y, je vais y aller de ma gauche à droite. Donc, Marie-Claire, qu'est-ce qui a marqué ton année 2016? Quelle est cette exposition ou événement qui t'a marqué? Ah, ben moi, je vous ramène sous le soleil du mois d'août. Durant 10 jours, il y avait un événement artistique que j'ai trouvé vraiment extraordinaire juste à côté du Musée national des Beaux-Arts. C'était Humanorium, donc organisé par Ex Muro, commissarié par Vincent Roy et Eve Cadieux. On en avait déjà parlé d'ailleurs à l'aérospatiale, mais moi franchement, c'était mon coup de cœur. Bon, des installations artistiques très intéressantes, très différentes les unes des autres, autant de la vidéo, de la sculpture, des œuvres dans les on pouvait embarquer. Il y avait le fameux carrousel de oui. BGL et tout ça autour du thème de la fête foraine que j'ai trouvé, ben, c'est un thème très original. Mm-hmm. Il y avait une grande cohérence dans le choix des œuvres et ben, ma foi, c'était très accessible, très festif en fait, cet événement qui très avait lieu ouvert hein, aussi. Tout à fait. Qui venait un peu pallier qu'Expo Québec n'était plus là aussi. Oui, hein, quand même, il faut le souligner. Dans une ambiance un petit peu différente quand même. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est ça qui était chouette, c'est la fête foraine, mais il y avait un clin d'œil aussi à l'histoire de la fête foraine et tout son côté un peu étrange, un peu weirdo. Oui, un peu mm-hmm. freak show ouais. pour oui, le dire il y avait français. Le, oui, tout à fait, il y avait le freak show. Justement, il y avait le musée de la mort aussi. Puis ce qui était cool, c'est que c'était ouvert l'après-midi, mais aussi le soir. Le mm-hmm. soir, il y avait une ambiance complètement différente. Puis écoutez, vous allez être jaloux, mais j'ai eu la chance d'être sur place pendant les 10 jours. Oh! Et oui, comme mm-hmm. médiatrice. Et ben, j'ai trippé parce que le public qu'il y avait là aussi, c'était très chouette. Pas, oui, des gens, des amateurs d'art, c'est sûr, mais pas nécessairement. Des fois, mm-hmm. des gens qui n'étaient jamais rentrés dans un musée d'art. Oui, bon, il y a des œuvres d'art public, mais est-ce que les gens les remarquent toujours? Hein? Est-ce qu'ils attirent toujours l'attention? Tandis que cet événement-là attirait l'attention et j'ai eu vraiment des belles discussions avec des gens qui étaient heureux aussi de faire ces découvertes. Rendre accessible justement c'est l'art actuel. Bon, j'ai trouvé vraiment que c'était réussi. La surprise était là, c'est ça. Oui, tout à fait. La surprise que peut amener l'art, donc à rencontrer. Oui. À un moment où on s'y attend le moins, je pense que c'est un bel exemple. Exact. Beaucoup de plaisir et beaucoup de détails aussi de la part de Ex Muro dans le déploiement de ça. On était vraiment à la fête foraine, c'était immersif. Donc les chapiteaux, mais aussi le petit stand coloré, tout le côté mm-hmm. scénographique aussi était très très fort. Mm. Donc voilà, chapeau. Pour cet événement qui peut-être un jour, hein, c'est possible, parce que ce sont des belles roulottes qui peuvent facilement bouger. Donc, ben voilà, peut-être qu'à un moment donné, vous verrez Ex Muro près de chez vous, genre des régions de Montréal. Qui sait? Et oui, exact. Eh bien, Louane, à toi de nous donner ce qui t'a marqué cette année. Ben moi, en fait, je vais vous parler d'un événement qui a eu lieu. Bon. L'événement principal avait lieu en juin, mais ça a duré quand même plus longtemps. C'est Connexion-Déconnexion, un projet qui a été fait par Méduse. Donc, j'explique très rapidement qu'est-ce que c'était. Donc, il y avait 6 artistes qui... Bon, on venait des centres d'artistes qui font partie de Méduse. On avait des gens en vidéo, en danse, etc. Et ces artistes-là allaient dans des maisons de jeunes un peu partout à travers la ville de Québec. Donc, dans chacun des arrondissements. Il allait faire des ateliers avec les jeunes qui étaient là-bas. Donc ça durait pendant presque 2 mois, j'ai l'impression. Donc il y avait 6 ateliers par maison de jeunes, chaque artiste passait. Et ensuite, le 19 juin, tout le monde se regroupait à Méduse. Et là, c'était une journée de création. Donc moi, j'ai fait partie du projet comme médiatrice. Julien et Marc-Claire aussi, ils pourront mm-hmm. peut-être vous en parler un petit peu aussi de leur expérience. Mais j'ai trouvé ça vraiment le fun de voir l'évolution de ces jeunes-là qui souvent découvraient des pratiques artistiques qu'ils connaissaient pas. Il fallait aussi oser parfois sortir un petit peu de nos limites. Tu sais, faire de la danse contemporaine, c'est pas quelque chose qu'on fait toujours d'emblée sans crainte, qu'on soit jeune ou pas. Donc vraiment, ça allait tester leurs limites. Mais en même temps, ça leur faisait découvrir des choses incroyables. Puis j'ai vu des personnes vraiment qui semblait complètement transformée, qui disait « Ah, oh, j'ai jamais fait ça avant, mais je trouve ça vraiment le fun, j'aurais le goût. » Puis là, il s'intéressait à « Qu'est-ce qu'on peut faire à Méduse? Qu'est-ce qu'on peut voir? » »« Ah, oh, je connaissais même pas ça, on peut voir des expos gratuitement. » Fait que tu sais, c'était vraiment une découverte pour ça, ça ouvrait les horizons de ces jeunes-là là, qui finalement avaient eu probablement très peu de contact avec l'art auparavant. Exactement. Puis tu sais, il y en avait qui étaient là à la Maison des jeunes parce qu'ils avaient entendu parler du projet, qui étaient intéressés, mais d'autres qui étaient un peu là par hasard, puis qui finalement, par la force des choses, se sont laissés embarquer dans le projet. Donc, je trouvais que c'était vraiment une occasion de découverte qui était fantastique pour eux. Puis pour les artistes aussi, j'ai l'impression que ça a été des belles rencontres. Oui, tu sentais qu'il y avait quasiment des amitiés qui se créaient entre les jeunes puis les artistes. Puis c'était comme, tu sais, moi, il me semble avec Fred, là, un musicien, tu sentais qu'il y, y avait deux, trois jeunes là, qui voulaient faire des choses avec lui après, tu sais, comme d'aller comme jammer avec lui. Fait que, tu sais, il y avait comme quelque chose de... Super, comme là-dedans. On dit, ouvrir les horizons et les possibilités pour ces jeunes-là, leur montrer que finalement, hein, on peut aussi, je pense, être artiste dans la vie. Hein, il y a ça aussi, je pense. Et puis artiste aussi, ça, c'est pas juste faire de la peinture ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment tout un monde. Un éventail de possibilités. Super. Ouais, ben, merci beaucoup, Louane. Sinon, Julien? Hey, ben oui, mais moi, je reviens peut-être... moi, c'est une exposition qui a comme vraiment accroché... l'ouverture du complexe Méduse cet automne a été très très bel événement, je pense une très belle variété d'expos cette année, mais il y en a une qui m'a vraiment accroché, c'est celle à la bande vidéo. Jeffrey, c'est la même, hein, fait que je lirai son commentaire par la suite. C'est ça de Beluga, de Jocelyn Robert. Moi, elle m'a... j'aime beaucoup Jocelyn Robert en général, mais là on dirait qu'il m'a... Et il m'a donné encore plus le goût d'aller chercher, d'aller regarder sa pratique. Donc, pour expliquer rapidement, c'est comme on voyait finalement un beluga ou plusieurs belugas qui nageaient sur le mur de la bande vidéo. Mais dans le fond, on les voyait qui nageaient, mais c'était pas vraiment un film finalement. C'est plutôt une suite d'images. Un collage de nombreuses images qui se superposaient les unes aux autres. Qui suggéraient le mouvement finalement. Mm-hmm. Puis juste ça, c'était déjà très beau à voir, mais je trouve que Robert est toujours bon pour aussi prendre des trames sonores qui fonctionnent tellement bien, qui s'imbriquent finalement avec ses œuvres. Puis là, là-dessus, le mouvement était pas juste visuel, mais il était vraiment sonore. On dirait qu'on l'entendait nager, mais avec la musique classique, là, mais en tout cas, là, je deviens un peu ésotérique. Faut souligner, c'était une composition de son cru aussi. Mais il y avait une grande poésie, je pense, dans cette œuvre-là. Oui, vraiment, c'est très contemplatif. Tu sais, c'était vraiment pour ceux qui sont allés voir les baleines à Tadoussac, là, c'était à peu près la même chose, mais dans une pièce noire. C'est super. elle m'a vraiment beaucoup accroché. Par sa simplicité puis par sa poésie, comme tu l'as dit, finalement. Eh bien, si je regarde ce que Jeffrey nous disait, justement, pour lui, il trouvait que cette œuvre-là posait tout un lot de questionnements d'actualité, justement, qu'on pense à la question des belugas qui avait beaucoup tenu dans les nouvelles, hein, qu'on pense à Kakuna et tout, les marches qu'on a eues même jusqu'ici à Québec. Donc, il y a cet aspect-là, d'écologie, le beluga comme symbole québécois, actuel, alarmant, qu'il mentionne et qui est un enjeu là, aussi d'actualité de taille qu'on a eu. Mais également, il disait que ça l'amenait à se questionner sur sa relation aux images. Oui. Donc, leur abondance, leur accessibilité, donc, qui est un facteur social déterminant dans notre société aujourd'hui. Et il dit que c'est cette coexistence-là avec le monde qui est plus que jamais à la fois physique et virtuel là, que ça témoignait cette œuvre. Là. Et sinon aussi, il évoque le côté contemplatif, ce plaisir à contempler et toutes ces pistes de réflexion que cette œuvre-là proposait, c'était pour lui définitivement son coup de cœur de l'année 2016. Donc, c'est le fun de voir qu'on a des gens qui se rejoignent ici. Jean-Tiane, je ne sais pas si toi, par hasard, je sais que tu n'as pas été là cet automne, mais est-ce qu'il y avait peut-être quelque chose qui avait retenu ton attention dans l'année 2016, faut le dire? Moi, j'ai vu quelques expositions cet automne, pas beaucoup, j'ai pas été très présente sur le territoire de la ville de Québec. Mais une des expositions qui m'a beaucoup impressionnée, c'était Les grands espaces à regard. Oui. Vraiment une belle exposition avec une belle cohérence. J'y suis retournée en fin de semaine et j'ai été encore une fois étonnée de tous les différents points de vue. On se déplaçait à différents lieux dans la pièce et à chaque fois, il y avait des liens qui se faisaient entre les œuvres. Le dialogue entre les œuvres a été très, très bien travaillé. Regard avec la collaboration de Audrey Demers-Roberge, mm-hmm. qui faisait ses premiers pas en tant que participer au commissariat d'une exposition. Donc, c'est une exposition qui m'a beaucoup impressionnée. Super. Et Sarah, de ton côté? En fait, j'abonde dans le même sens que Gentiane. Moi aussi, c'est une exposition qui m'a marquée. Gentiane soulignait la cohérence de l'exposition. Et aussi, au niveau du thème, moi, j'ai trouvé que c'était une belle exploration. On pense souvent le paysage. Il y a tellement de manières de penser le paysage, mais il y avait des œuvres, notamment, je pense aux œuvres de Martin Desilets, qui sont des explorations dans l'espace de la couleur, où il y avait aussi des espaces psychologiques, comme dans l'œuvre de Laurent Lévesque, où on est enfermé avec une vue sur l'extérieur, sur la mer, sur le grand océan. Alors il y avait toutes sortes de formes d'exploration de l'espace et je trouvais que ça faisait il y avait des prolongements de ces réflexions-là qui étaient faites dans des avenues complètement différentes, mais à travers tout ça, il y avait vraiment un lien qui se créait dans l'exposition. La mise en espace aussi a été, je pense, très, très bien pensée pour créer ces ponts-là entre les œuvres qui les laissent bien vivre aussi chacune d'elles. Ça a aussi été un de mes coups de cœur, en fait, de l'année 2016. Et je pense aussi que c'est intéressant. Je pense qu'un coup de cœur, au-delà de l'exposition Les grands regards, ça a été aussi un coup de cœur pour la programmation de façon plus large de regards qui est ambitieux comme centre d'artistes, mm-hmm. qui présente des expositions qui sont rendues des incontournables. Et je pense que dans les dernières années, on a vraiment vu l'ampleur des expositions très, très, très intéressantes. Alors, j'ai hâte de voir la suite, ce que ça va donner pour 2017. Mais moi, ça a été un de mes coups de cœur aussi. Dans le circuit principal, c'est comme il faut que tu regardes la programmation. Faut faire le détour par Lévis, ça vaut la peine. Oui. En plus, comme on le dit à chaque fois, la petite run en traversier, c'est le fun. Quand même, mais il faut dire que Regard, qui depuis peu aussi a des thématiques annuelles, hein, aussi là, depuis l'an dernier, je pense. Donc ça aussi, ça peut-être amener justement ces projets plus collaboratifs où on voit pas seulement qu'un artiste, mais un projet là, collectif. Oui, le collectif qui est un peu le thème, là, je pense, pour leur programmation. Oui, c'est ça, cette année, c'était ça, oui, exact. Et d'ailleurs, j'en profite pour glisser peut-être mon coup de cœur toute catégorie, parce que j'ai vu des expositions un petit peu partout au Québec, mais il y a une artiste en particulier que j'ai vue à Rouen cet automne, que j'ai beaucoup aimée, qui sera dans une exposition à Regard l'été prochain, dans une des expos collectives. C'est Élise Provencher qui présentait à l'écart au mois de septembre une de la sculpture, installation très, très, très, très intéressante, qui mélange toutes sortes de médiums, un côté naïf très intéressant, mais qui est aussi, il y a une étrangeté un petit peu inquiétante. Alors, il y a toutes sortes de... Moi, j'ai vu son exposition à Rouen, j'ai été vraiment impressionnée par son travail. Alors, j'ai bien hâte de voir ce qu'elle va présenter à Regard ici à Québec l'été prochain. Oui, ben on a hâte, là. Tu nous donnes envie, vraiment, là. Ben, pour peut-être prendre la balle au rebond, je vais y aller avec mon coup de cœur. Ben, en tout cas, j'en aurais eu beaucoup, mais bon, je vais y aller avec une valeur, une valeur sûre pour moi, c'est Annie Baillargeon, son exposition à la galerie 3, donc Nature morte, épisode de Petit déclin. Je dois dire, toujours le coup de foudre pour le travail d'Annie Baillargeon. Donc, oui, toujours encore une fois avec cette étrangeté qu'on retrouve dans ses montages photographiques, mais qui va vers d'autres eaux là, depuis deux ans. Là, on en avait discuté ensemble à l'émission, que dans le fond, on ce n'est plus que des simples montages photographiques, mais il y a un aspect très narratif, c'est toujours aussi performatif, mais à ça se joint aussi des interventions directes sur la photographie, donc à l'aquarelle, à l'huile ou à l'acrylique, ben pas à l'huile, mais à l'acrylique plutôt. Donc ça, c'est vraiment, ça me fascine tout le temps de voir comment elle a su, au fil du temps, renouveler son vocabulaire, mais aussi comment il y a toujours, elle entretient toujours une fascination pour moi, mais pour beaucoup de gens. Puis ce que j'ai remarqué aussi, c'est que beaucoup de femmes apprécie, ont un coup de foudre pour son travail. Je ne sais pas, Julien, si toi, tu connais son travail, mais... Non, c'est ça, je n'y suis pas allée. Mais discutais avec Norbert Langlois, là, un des propriétaires de la galerie, et on se disait, effectivement, il y a quelque chose d'extrêmement, oui, féminin, mais dans lequel beaucoup de femmes semblent se reconnaître. Enfin, je pense qu'elle a beaucoup de collectionneuses de ses œuvres, dont moi, d'ailleurs, là, je dois l'admettre. Mais, en fait, puis beaucoup de gens aussi qui ont... Enfin, qui je pense à ma mère qui a fait sa première acquisition, une de ses œuvres, donc qui a eu un coup de cœur aussi pour son travail. Donc, quelqu'un qui n'est pas du tout dans le milieu des arts visuels comme moi, mais qui a vraiment eu le coup de foudre pour son travail. Ça prouve que ça appelle à tout le monde. Exactement, c'est ça. Pas besoin d'avoir un intérêt poussé pour son travail. Il y a une grande séduction aussi, malgré l'étrangeté puis le côté un peu glauque aussi qu'on peut retrouver, mais il y a vraiment quelque chose de très, très fort dans son travail là, qui est parfois indescriptible, mais bon, enfin qu'on ne sait que nous-mêmes lorsqu'on le voit. Et puis je vais terminer ce survol de nos coups de cœur avec celui d'Andriane Lesage, qui nous disait elle, que c'était quelque chose de tout récent, à vrai dire, c'est la performance de Massimo Guerrera le 4 décembre dernier dans son installation d'Arboral, donc qui est actuellement présentée au Musée national Beaux-Arts du Québec dans l'exposition Installation à grande échelle. À vrai dire, c'est une performance donc où l'artiste invite les visiteurs dans son œuvre à partager des rituels comme un repas par exemple. Et c'est une œuvre quand même très importante aussi dans le parcours de l'artiste. Le musée en même fait l'acquisition en 2005. Et je me souviens, il avait consacré une petite plaquette. Là, c'était Anne-Marie Ninax qui avait rédigé ce petit ouvrage. Et elle dit que, dans le fond, pour elle, elle avait été déroutée au départ, mais qu'elle avait vraiment beaucoup aimé l'expérience et que la rencontre s'est révélée relaxante et agréable, dit-elle. Et ça lui a fait réaliser à quel point il est positif de prendre le temps d'être avec les autres et de partager, ce que je pense qui est un des points essentiels de ce travail de Massimo Guerrera, donc que vous pouvez toujours voir jusqu'au mois de février au musée. Donc allez faire un petit saut là-bas si vous voulez avoir une idée aussi. Donc, on va aussi vous faire quelques suggestions d'idées cadeaux, à vrai dire. Je ne sais pas, vous autres, en aviez-vous relevé? Des idées cadeaux? Non, mais j'en ai plein ici. bien sûr, le classique, un abonnement à une revue artistique, que ce soit Inter, Ciel Variable pour les amateurs de photos, Espace Art Actuel, S, etc. pour les arts médiatiques, ou Vie des Arts aussi, qui est très, très accessible pour ceux qui, à vrai dire, ne connaissent pas beaucoup le milieu des arts visuels. C'est une belle introduction quand même, Vie des arts. Art le Sabord, qui mixte, à vrai dire, littérature et art. Ou Zone occupée aussi, qui nous vient du Saguenay, bien sûr. Il y a également plusieurs beaux livres qu'il faut souligner, qui sont parus cette année, donc notamment aux éditions Vue, dont Salso, de Sarah A. Tremblay, donc, ou bien aussi Québec-Bangkok à la rencontre de l'autre, donc qui récapitule, il faut dire, cet échange qui a eu lieu entre les artistes de Québec et de Bangkok. On vous en avait d'ailleurs parlé à quelques reprises à l'émission ici. Mais il y a aussi Renaud Philippe qui avait participé à cet échange-là, qui, suite à ça, a fait un très beau livre photographique, donc issu de cette résidence à Bangkok, qu'il a fait, donc, on voit des photos donc qui témoignent de comment Bangkok, dans le fond, s'enfonce, s'enlise dans l'eau, littéralement, donc, mais un très beau livre là, pour ceux qui apprécient la photographie, donc, tout en images, ça vaut vraiment la peine et c'est disponible sur le site de l'artiste, ça s'appelle Impermanence. Sinon, aussi, je me disais, ça peut être intéressant d'offrir des formations soit en métier d'art, à la Maison des métiers d'art de Québec, et des ateliers grand public sur le tricot, la couture, la sculpture sur bois, la soudure, la céramique, le tissage. Bref, ça peut être vraiment très intéressant à offrir, mais aussi peut-être à s'offrir aussi, tu sais. C'est vrai, des fois, on se dit, ben mon Dieu, je sais pas comment ils font pour faire ça. Ben beaucoup de cours d'introduction ou des projets supervisés aussi. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller jeter un œil. C'est sur le site de la Maison des métiers d'art de Québec que vous pouvez vous pouvez trouver toutes les informations. Sinon, Engram offre aussi des formations en estampes, donc sérigraphie, lithographie, taille douce plutôt, pas d'ours. Même un atelier d'animation, donc d'introduction à l'animation avec Samuel Breton. Donc, et plus encore, donc allez jeter un œil sur le site d'Engram ou bien même, je l'ai vu sur la page Facebook d'Engram, donc ça peut être très intéressant. Et c'est toujours aussi ces formations-là avec des artistes professionnels, donc vous êtes bien entouré pour ça. Sinon, Sarah, est-ce qu'on a quelques idées d'événements, d'activités à ne pas manquer pendant les fêtes? Oui, pendant les fêtes, c'est sûr que dans le milieu des arts visuels, c'est le temps d'une petite pause bien méritée dans le temps des fêtes. Alors, vous trouverez que la plupart des centres d'artistes, si ce n'est que presque l'entièreté des centres d'artistes, feront relâche, mais c'est vraiment un beau moment pour aller visiter vos musées d'art préférés et notamment au Musée national des beaux-arts du Québec. Il y a toute une programmation spéciale durant les fêtes avec, entre autres, un spectacle de contes inspiré d'un conte inuit qui s'appelle La femme squelette. Et ça, c'est présenté les 28, 29 et 30 décembre prochains à 14h. C'est gratuit. C'est un spectacle qui est monté par le Théâtre de la Source et c'est au pavillon Pierre Lassonde. Il y a également à découvrir toute une exposition montée pour la famille en collaboration avec l'artiste Vicky Sabourin, dont on a parlé d'ailleurs à l'émission cet automne. Et ça s'appelle Les Curiosités. Ça, c'est à la Galerie Famille du musée. Donc, il y a vraiment toutes sortes de choses. Vous pouvez aller voir, évidemment, sur le site web du musée pour avoir plus de détails. Et dans Saint-Roch, il y a eu et il y aura encore quelques événements pour le temps des fêtes, donc des marchés de Noël, des expositions. Ça se trouve un petit peu partout. La virée du temps des fêtes, si vous cherchez ça aussi, vous allez pouvoir trouver l'information, notamment la bibliothèque Gabriel Leroy et dans quelques galeries du secteur Saint-Roch. Cette semaine, ce n'est pas encore complètement terminé. Il reste un 5 à 7 demain à la Chambre Blanche pour présenter la résidence de Nicolas D'Alessandro, artiste belge, et de Jean-François Laos, artiste québécois. C'est donc un projet qui vient d'une résidence qui a lieu depuis le 7 novembre. Et vous avez finalement jusqu'en fin de semaine pour voir le labo de Noël Guillaume-Marche, dont on a parlé la semaine dernière, au Centre Matériel. Alors, c'est là jusqu'au 22 décembre. Et l'exposition Coula d'Olivier Dessert jusqu'à la fin de semaine aussi à la Galerie Lacerte Contemporain. Alors voilà, et puis on vous invite, si vous allez faire un tour en région, aller voir vos musées d'art régionaux. Il y en a un peu partout et ils sont ouverts durant le temps des fêtes. Alors ça vaut la peine de découvrir toute une série d'expositions très intéressantes qui seront accessibles. Exactement. Ben, mais merci beaucoup, Sarah, pour ce survol un peu rapide, mais quand même, on pourra peut-être relayer aussi sur les réseaux sociaux les quelques suggestions qu'on avait. Donc, c'est déjà tout pour nous. Et on vous invite, bien sûr, à nous suivre sur les réseaux sociaux, notre page Facebook, Instagram, si vous voulez voir nos beaux biscuits et nos beaux attirails de Noël. On vous invite à y aller. Sinon, suivez notre page web, aérospatiale.crl.wordpress.com. Un grand merci à nos invités de ce soir, Monique Brunet-Weinmann et Marie-André Godin, à nos chroniqueurs et chroniqueuses de la saison. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et certains d'entre vous, ben, Louane et Julien, vous nous quittez pour d'autres eaux à l'extérieur. Donc, on vous remercie beaucoup d'avoir collaboré avec nous. Et on vous souhaite aussi à vous de très joyeuses fêtes, chers auditeurs et auditrices. Merci beaucoup, Sarah Bélanger et Martel, d'avoir pris le relais. Jean-Tiane sera avec nous en janvier. Merci à Jacques Gignac à la mise en onde, qui est toujours là et qui pourra se sucrer le bec avec de bons biscuits. J'en suis certain qu'il va être content. Donc, joyeuses fêtes à tout le monde. On se revoit le 10 janvier prochain. Demeurez à l'écoute. Pierre Blais suit avec son équipe et son émission Situation critique au 10 janvier. Bye-bye. Joyeux. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Pierre Blais anime Situation critique, l'émission sur le cinéma dans quelques instants. CKRL 89.1. Et doublé. Vous avez un produit ou un événement à promouvoir?